De retour à CKRL après 4 ans, Claude Brenamour et Denise Leclerc. Bonjour Denise. Bonjour Claude, je suis vraiment contente que tu sois là, parce que ça fait longtemps. Moi j'ai fait d'autres émissions de Noël après, mais ensemble. Puis il nous manque une comparse, notre amie Sophie qui est en voyage. Puis qui va nous écouter probablement. C'est ça. Donc Denise, on va s'imbiber encore une fois avec du ginger ale. Ou quelques gorgées de brandy, c'est à ton goût, là. Puis, on avait le choix, Denise. Soit on s'enfargeait avec les grands mystères, genre, faut-tu prononcer Naël? Noël? Néel.e? Ou Nelui? Hein? Ou ben donc, on ramasse une pile de vieux disques, on va trier le bon grain de l'ivraie, on va chercher les perles rares, les sons chics et moins chics, et... on laisse place aux mauvais puis aux moins mauvais. Tu te rappelles? Oui, toujours. C'est pas mal notre standard. Oui, parce que les artistes, c'est ça qui arrive. Ils sont tout petits puis ils veulent vivre. Surtout hein? Même ceux des années 50, ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Ils veulent encore vivre. Ils veulent vivre. Ça fait que on va donc se salir les mains. On va aussi manger des petites saucisses dans le bacon. Rencontrer des barons et des jaguars. On fera. On va faire sonner les cloches puis résonner les claquettes. Chanter avec des matantes et des individus louches. On va prendre des photos de famille. Réciter le Notre Père. Danser le gogo, ça c'est sûr. Puis même le beatnik sur de la musique western, lounge, hawaïenne, du folk inclassable, du rock'n'roll, du jazz, de la musique folle ou ennuyante. Jouer à l'orgue ou à l'organe par des artistes déconfits et dans un état moins que serein. Puis on va même entendre le petit Jésus avec de la nourriture un peu grasse. Et recevoir des soins non sollicités par des gens qui devraient normalement... Non, des gens que si normalement on les rencontrait sur la rue, on changerait de trottoir. Fait qu'on est là jusqu'à 15 heures. Oui, on est là. Puis oh, ben on va y aller avec le grand classique. Au menu cet après-midi. Al Cayola et Riz Ortolani. On a Turlough Ravenscroft, Mary Vernon and the Mellow Man, James B. and the RGO, Marshall Brothers, Le Hot Club de France, Squirrel Nut Zippers, Bill Monroe, Bob Wills, The Found Sound Orchestra, Jonathan Mann, Monsieur Garrison, Sufjan Stevens, Peter Sellers, People Like Us and Christian Markley, Henry Mancini, Rudy Schwartz Project, Les Baronets, Les Intimes, Les Chantelles, Les Frères Flamingo, Les Jaguars, The Three Sons, et Pete Ruggolo, Lou Monte, Moondog, Cédric Dinlavoie, L'Orchestre de Morquesse, Bob Hatcher, Les Dining Sisters, Meltor, Strada, Gabriel Le Boutillier, Yette Renemont, John Irvine, Peter Feld, The Duden Consort, La Famille Trapp, Les vedettes du studio Brassens. Le pape Jean-Paul II. Et André Arthur. De Verchères-Mercier. La petite Dani Blouin. Rachel. Roland. Jocelyne. Janine. Monsieur et Madame Jean-Paul Monsieur et Madame Jean-Paul Lefebvre. Pierre Lacroix. Evan Joannès. Normand Lamour. Claude François. Julie Lebel. Bruno Fecteau. Hector Zazou. Ita et Emia Rossio. Tommy Duchesne et ses chevaliers. Franck Fouleur. Beth and Wallet. Georges Brassens. Jean-Yann. Jean-Claude Brialy. Robert Tizot. Asleep at the Wheel. Stella. La Voix à Pagé Turgeon. Zig Zazou. Lou Chaney Jr. B. Arlen. Patsy Ray et les Beatniks. Et Juan Garcia Esquivel. On y va. Une petite odeur de bacon pour votre cuisine. Vous êtes à CKRL, là, l'émission Quelques gorgées de brandy. Mais les chansons de Noël, quand tu t'y arrêtes, il y a 39 chansons déclinées en 4700 versions. C'est ça la réalité. Des disques de Noël qu'il vaut la peine d'acheter dans tous les genres. J'ai été déçu, mais au fur et à mesure où l'émission approchait, je me suis dit, ben, écoutons, c'est quand même pas si pire. À ce moment-là... Mais finalement, c'est une bonne année, gars. Mais l'album de Noël, c'est raté. Je m'excuse. C'est un album qui, malheureusement, dénature énormément de tunes. C'est classique. Oui, des classiques comme 23 décembre, c'est pas bon. Happy Christmas, c'est terrible. En fait, c'est criard. C'est pas écoutable. J'ai été tellement déçu. en français, en chinois, des chants grégoriens, la musique avec des grands orchestres. T'es as toutes. We're off on the sleigh ride until the break of day, singing the jingle polka. A sleigh ride, a gay ride, the happy voices say, let's sing the jingle polka. The sleigh bells are jingling, our faces all aglow, as over the snow we go. We're cozy and warm, we have such fun, while singing the jingle polka. The moonlight's a path through the snow, old Dobbin knows which way to go. We kiss then, we sing with delight, jingle polka, all through the night. We're off on the sleigh ride until the break of day, singing the jingle polka. A sleigh ride, a gay ride, the happy voices say, let's sing the jingle polka. The sleigh bells are jingling, our faces all aglow, as over the snow we go. We're cozy and warm, we have such fun, while singing the jingle polka. Jingling, our faces all aglow, as over the snow we go. We're cozy and warm, we have such fun, while singing the jingle polka. My baby's nowhere around. I don't have the youth and spirit. She's gone and put me down. Santa Claus, will you come around on Christmas Day? No fancy presents upon my Christmas tree. Don't have to fill my stockings. Bring my baby back to me. Be my baby. This is all I beg of you. Well, Christmas without my baby sure will be sad and blue. Well, no one. Someone to love me. Christmas is a special thing. I need your help this Santa, and you know just what to bring. Bring my baby, then my Christmas will be wild. Yes, I'll be looking for my baby when you come around on Christmas night. I'll be looking. Bring my baby, bring my baby, bring my baby back. Don't be mad. Bring my baby. Well, I love that girl. Baby, she's my best pal. Bring my baby, well, bring back. My baby. Bring my baby back. Back. Mr. Santa, Mr. Santa. Oh, sing me. Mr. Santa, Mr. Santa. Bring her quick. Mr. Santa, Mr. Santa. Give all the nights so cold. Mr. Santa, Mr. Santa. I'm getting darn old. Mr. Santa, Mr. Santa. Mesdames et messieurs, vous vous demandiez peut-être qu'est-ce qui joue dans vos oreilles. Votre roulette est tombée sur CKRL, vous savez pas c'est quoi? C'est 89,1 en passant, ou vous êtes peut-être sur le web, qui sait, à ckrl.qc.ca, et c'est l'émission Quelques gorgées de brandy. Oui, on a changé ça. On a des fois 3 gorgées, 2 gorgées, là, on a oui, quelques gorgées, puis on peut même boire d'autres choses. Absolument. Oui, c'est ça. Du kombucha. C'est à ça que j'ai pensé, Denis. Exactement. Donc, Claude, tu nous as offert un bloc qui s'appelait Petite saucisse au bacon. Oui, pour parfumer votre maison d'une bonne odeur de saucisse au bacon. Puis un auditeur qui nous a appelé, oui. Le beau Jean-Sébastien. Oui. C'est quoi, non? Il voulait savoir. Ah oui! Il voulait savoir si on était partisans de mettre des cerises au marasquin dans les petites saucisses dans le bacon. Surtout que c'est en apéro en général. Exactement. C'est, fait que, c'est sucré. J'invite les gens qui prévoient, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, de faire des saucisses dans le bacon à un party de famille, de peut-être lorgner vers cette idée-là, Denise. Peut-être. Peut-être. Alors, pourquoi t'as appelé ça petite saucisse au bacon? Sérieux, aucune idée. Non. Aucune. C'est quoi, non, l'idée? Il y a une raison, mais elle ne me vient pas nécessairement tout de suite. Pas nécessairement, non. Bon, donc, d'accord. C'est mon thème de Noël. La musique correspondait à manger des petites saucisses dans le bacon en même temps. Regarde le swing qu'il y avait tantôt. Là. T'imagines le service, on te donne des petites saucisses dans le bacon. Tu manges ta petite saucisse et de l'autre jambe, tu twistes abondamment. Tu, voilà. Tu tapes du pied, puis tu parles à mon oncle. Tu parles à mon oncle et un peu tout le monde. Donc, on entendait au début des archives de la radio. J'ai puisé dans mes affaires des chroniques de disques de Noël à la radio de Québec il y a 15 ans. Il y a peut-être des gens qui sont plus là, là, dans les voix qu'on entendait, mais vous avez sûrement reconnu les gens du FM 93. Ils l'ont bien expliqué, Denise. Noël, là, c'est 39 chansons reprise 4721 fois. Pas si tu es d'accord avec cette idée. C'est pas mal ça qu'on entend c'est pas mal. Dans les centres d'achat. T'en es même. Mais tout le monde a déjà fait des disques hein, pour Noël. Tu sais, même John Zorn, des ouais. Musiciens de musique expérimentale, ont fait leur disque de Noël. C'est la période creuse de l'année où on cherchait peut-être la fin de leur budget. Tu sais, c'est facile. C'est bien possible. C'est Mais en même temps, c'est extrêmement payant. Oui, c'est pour c'est ça. C'est super payant. Ah oui. C'est de l'argent rapide. Après ça, de la musique... Parce qu'il peut en faire rien qu'un, puis il va jouer pendant 30 ans. Oui, effectivement. Ta toune. Ça peut être juste une toune. C'est vrai, exactement. Après ça, de la musique instrumentale. Très bonne version de Sleigh Ride par Al Caiola et Riz Ortolani. Années 60 encore. Puis la grosse voix basse qu'on entendait ensuite tantôt, il s'appelle Turl Ravencroft. Moi, Denise, je connais personne qui s'appelle Turl. Et je n'ai jamais vu le prénom Turl de ma vie. Sauf cette fois-là. Peut-être qu'en 2024, ça va être un nouveau prénom. Turl Gingras. Turl Brin d'Amour. Turl Tremblay. Turl Ouellet. Un comédien, un gars de radio, encore dans les années 50, dans un polka endiablé tantôt. Et le disque, là, j'ai vu ça, je faisais des recherches tantôt, c'était sur un disque 10 pouces, ça, c'est pour les plus jeunes ici, là. Il y a déjà eu des albums vinyles qui mesuraient 2 pouces de moins que le standard habituel. Tu allais au magasin, tu sortais du magasin avec ton gros 10 pouces. Puis là, tu le cherchais dans les autres disques. Exactement. Hein? J'en ai des oui, disques, c'est... des disques de Colette, des ça plusieurs disques arrivé, de Colette mais... Renard, oui, puis c'est des petits formats. C'est ça. Il faut faire attention de ne pas les égarer. Non. Et ensuite, on a eu James B. et son orchestre de la Gelée Royale de Toronto. On l'a passé pas mal souvent. Dans James les... B., oui, ouais, on est passé... un fan. Un fan même de d'autres choses qu'il a faites. C'est un gars de radio, ouais. C'est un auteur, c'est un musicien, un bon chanteur, un gars de scène pour ceux qui l'ont vu, là. Et il a commis des disques de jazz lounge, de reprises de standards poche de rock canadien. Oui. Ça, c'est disparu, là. Mais tabarouette que c'est bon, cet album-là. Des grands classiques de groupes canadiens, puis joué complètement bizarrement. Comme on a Richard Cheese, américain, tu sais, c'est James B., c'est un peu dans le même, oui, dans le même créneau. Ouais, il fréquente des eaux semblables. Puis ouais. Tantôt, là, on a, juste avant qu'on parle, les frères Marshall, The Marshall Brothers, une compilation que j'ai trouvée de Rhythm and Blues des années 50. Tu sais, t'écoutes ça, Denise, puis tu dis, regarde, la musique, là, c'était pas mal avancé en musique pop et en swing, très, très de bonne heure et bien avant Elvis. Oui, puis bien au niveau avant. De l'enregistrement du son aussi, c'était extraordinaire. Oui, ça sonne, ça swing. Tous les musiciens étaient dans le même studio. Oui, c'était extraordinaire. C'est vrai, effectivement. Puis, Denise, on le dit encore une fois, 640-1586, si les auditeurs... Ça nous fait dire, plaisir. Bon, ça nous fait plaisir. Puis, regarde, on va enchaîner avec un beau mélange à soupe réalisé par toi, fait de vieux disques des années 50 et 60 ou de swing moderne. Là. Puis, on va apprendre là-dedans, Denise, qu'au ciel, on n'est jamais déçu. Long ago, at Christmas time, we'd all sit around and sing. I'm dreaming of white Christmas with me Oh,

you say Santa Claus, you're a bad brother breaking into people's garage. You got it wrong, cause I'm just another regular guy. Superpowers and a pension for the Yuletide. Is it a crime to give a little once in a while? I travel round the world trying to make people smile. I know that you take it to heart, boy. It's Christmas time, ain't no clowning around. And if you think you got something to prove, boy, Santa Claus is coming to town. Dernière heure. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la population québécoise attendait depuis très longtemps. Il semblerait que dès demain, toute la province aura... Ça vous laisse sur votre faim de pas savoir c'est quoi la nouvelle que tout le monde attendait? Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Provigo, Maxi et les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. La musique fait voyager, fait danser, rassemble et fait du bien. Cette année, offrez un cadeau riche en émotions. Offrez la musique à son meilleur avec la carte cadeau du Palais Montcalm. Découvrez la nouvelle programmation et les détails au palaismontcalm.ca. Alors, c'est pas tout à fait mon bloc joué. Oui, mais c'est pas grave. On avait annoncé un bloc, mais il viendra plus tard. Ce qu'on entendait, là, c'était... qu'est-ce que c'est? Ah oui, The Found Sound Orchestra. J'ai pas grand-chose sur eux autres, mais j'ai trouvé un album, Christmas Midget. Mais je pense que c'est des amateurs de collage aussi, de collage sonore. Là, c'est le petit Papa Noël, extrait d'un disque haïtien, probablement. Bel accent. Enfin, je trouve ça super bon. Juste après, Jonathan Mann, aussi qu'on connaît pas non plus, l'album Very Ice King Christmas. Monsieur Garrison, ben les plus éveillés de notre auditoire ont peut-être reconnu South Park. Oui, c'est un extrait de South Park, assez vulgaire. On l'avait déjà mis en français. On l'a déjà mis en français. Ouais, ouais. Effectivement. On est des vieux fans de South Park. Oui. Et d'ailleurs, je me promets de les réécouter. C'est cette émission qui libère. Et sûrement encore d'actualité même. Oui, effectivement. Soufiane Stevens, pour finir, d'une de ses compilations, Song for Christmas, Get Behind Me, Santa. Et, Denise, parle-moi donc de ce qui s'en vient, le Hot Club de France, puis ta compilation où, je disais tantôt qu'au ciel, on n'est jamais déçu. Moi, j'aime beaucoup le Hot Club de Frank. J'en mets beaucoup à CKRL. C'est un groupe de néerlandais de 5 musiciens. Ils font surtout dans la musique swing, souvent. Et puis là, on va entendre une pièce, quand même aussi un classique de Noël qui s'appelle Winter Pret. Oui, alors, j'ai rendu un quatuor. Okay, mais ça a été longtemps, 5, mais là, c'est un quatuor. Mais okay. C'est un rêve de les voir en spectacle, ce groupe-là, de Amsterdam. Alors, on enchaîne. Hot Club de Franck. Écoutez,

back inside. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy with sorrow. Sur cette excellente mélodie, d'une grande tristesse, pour aller chercher les gens dans leur grande tristesse. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on entendait, Denise, l'excellente musique. Ah oui, tiens, je vais revenir au début. On n'a pas eu la chanson de Hot Club de Frank, mais on a eu, par contre, les Squirrel Nut Zipper, qu'on adore, hein. Un excellent groupe américain, un swing jazz qui roule depuis au moins 30 ans, Denise. Oui, puis ils sont même en tournée présentement. Ils ont fait un deuxième disque de Noël que j'ai pas acheté, mais c'est extraordinaire. Mais c'est comme un collectif de musiciens qui ont... Ça change, mais il y a des membres du groupe qui sont là depuis longtemps. Depuis le début. C'est un bon swing, puis très bien joué. Enfin, extrait de leur album de Noël, leur premier paru en 1998, qu'on a exploité pas mal et que j'exploite encore. Et t'as fini, Denise, avec deux légendes, Bill Monroe et Bob Wills. On était pas mal dans le bluegrass, là, avec I Saw the Light, Bill Monroe et No Disappointments in Heaven. Comme que je disais tantôt, au ciel, on n'est jamais déçu. On l'espère, on ne sait pas trop. On va voir après. Mais ça, c'est les gens qui sont extrêmement, qui croient vraiment. Puis ça, une croyance, c'est une croyance. Alors, on n'est jamais déçu. Pour rester dans notre ton léger, on va dire qu'on croit à cette idée-là. Oui, puis ça, on était loin, là. C'était un enregistrement quand même de 1923. Hein. Oui. C'est très vieux comme... Oui, oui. Mais tu sais que le mot « bluegrass », Ça vient du nom du band de Bill Monroe. Son band s'appelait les Bluegrass Boys. Okay. Puis c'est, ça a tellement pogné là, que le mot est resté. Puis pour qualifier ce genre de musique-là, c'est une espèce de swing avec européen, jazz, un mélange de toutes sortes d'affaires, le bluegrass. On a appelé ça le bluegrass à cause de Bill Monroe et ses Bluegrass Boys. Puis Bob Wills, ben, c'est l'inventeur du Western Swing. Ils se connaissaient tous ces gens-là. Oui, absolument. C'est magnifique. Puis là, ben, je pense que c'est le temps. Je te disais, Denise, avant qu'on arrive ici, que je suis tombé sur un disque. C'est-à-dire, je ne suis pas tombé tout de suite. Il est arrivé devant mes pieds, puis je me suis enfargé dessus. Tu comprends l'idée? Enfargé. Ça va de mon sens, puis j'ai pas été capable de me l'enlever. Tu sais, il était dans le tourne-disque, puis je n'étais pas capable de l'enlever. Il jouait tout le temps, j'ai dit, garde, c'est le temps, là. C'est ça que tu as écouté dans la dernière semaine? Oui, puis dans les années 60, il y avait de la musique au Québec, vous êtes au courant, il y avait le yé-yé, puis tout ça. Le gogo, surtout. Le gogo, le yé-yé. Déjà dansé le gogo? Moi, ma mère a dansé le gogo. Bien, je vais le faire tout de suite, tantôt, là. Immédiatement, quand ça va jouer. Denise m'invite à danser le gogo. Donc, c'est dédié à Joe Newman, qui nous écoute peut-être, qui adore la voix de Gilles Girard et des classiques. Il n'y aura pas de Gilles Girard. Mais il aime le yéyé. Fait que ce qui suit, c'est extrait de cette compilation. Les groupes des années 60 chantent Noël. Et surveillez bien les interventions de temps en temps des baronnets avec un certain René Angelil qui se trouve drôle. Et les chantelles, les intimes, les frères Flamingo et surtout les jaguars. À la fin, dangereux. Dangereux, dangereux. Du grand talent. Si personne se lève pour danser, là, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on Denise, va faire. Denise, elle va se pendre. Ouais. C'est ce qu'a dit Roux, un 5-8-6. Hey, les gars! Oui, René! Ça y est, c'est le temps des fêtes! Oui, René! J'espère que vous allez envoyer vos cartes de Noël, hein? Oui, René! Et j'espère qu'on n'aurait pas oublié, là. Oui, René! Nous allons nous amuser, de la joie, de la gaieté, un refrain, une mélodie, on chante avec les amis, avec nous y a pas d'ennui, on va fêter toute la nuit, allons chérie, viens danser, sur un rythme de yéyé. Comme l'an dernier et jusqu'au mois de mai, je tombe. Ah, je suis donc tanné. Michel va donc pelleter. Suis allé voir le Père Noël, pointu du doigt vers le ciel. Me demanda que veux-tu pour Noël. Il m'offrit des soldats. Non, non, beaucoup plus que ça. Me regarda, sourit, puis me dit: t'aimerais pas mieux un petit chat tout gris ou un petit chien bien, bien gentil? T'aimerais pas mieux? Non, non. Plus que ça, j'ai travaillé durant toute l'année. Un avion? Non. Un camion? Non, non. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas, ce me semble très généreux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dispendieux. Bien plus même que tous les métaux précieux. Ce que je veux, les patins. Non, non, beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dispendieux. Bien plus même que tous les métaux précieux. Ce que je veux, un radio. Non, non. Ce que je veux, un pono. Mais non, ce que je veux, une auto. C'est la paix des étoiles. C'est Noël ici comme ailleurs. Le bonheur est écrit sur tous les visages et la joie règne dans tous les cœurs. C'est Noël, c'est Noël. Chantons-le avec ferveur. C'est Noël dans notre beau petit village. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. À l'église de notre beau petit village, à minuit renaîtra le Seigneur. Et tous les solistes dans leur plus doux langage chanteront la gloire du Sauveur. C'est Noël, c'est Noël, que nous chanterons en chœur. C'est Noël dans notre beau petit village. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. C'est Noël dans notre beau petit village. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. Oui, c'est Noël ici comme ailleurs. in the air, there's a feel of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. C'était de Rudy Schwartz Project. Hein? Tu parlais de Paul Newman. Joe Newman. Joe Newman. C'est ça, c'est son groupe. Tu peux aller voir plein de choses de ce groupe-là sur YouTube. Il y a un site, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est des vidéos avec beaucoup de musique intéressante. Et oui, vas-y. Oui, c'est ça. Et juste avant, vous avez entendu deux pièces de Christian Markley. Malheureusement, Peter Sellers n'a pas fonctionné. Vous avez entendu Silent Night et Santa Claus. Oui, le Markley en question, pour préciser, c'est un artiste qui s'intéresse au vinyle. Il collectionne des vinyles, des tas de vinyles. Et chaque année, dans une galerie d'art à Londres, présente ou carrément des boîtes de ces vinyles avec les pochettes, les gens peuvent jouer avec. Des fois, il met des disques sur le plancher pour enlever le caractère sacré à des vinyles. Ceux qui ont eu des vinyles toute leur vie savent qu'on faisait vraiment attention à nos vinyles. On voulait pas les salir, on les tenait avec nos doigts sur le côté. Bon, tu sais. Et lui mettait les vinyles sur le plancher. Puis là, tu pouvais marcher sur les vinyles, puis il faisait jouer ensuite, il faisait du mix, puis et c'était vraiment du scratch, parce que les disques étaient scratchés. Il fait encore plein de choses intéressantes. C'est ça. Même cette année, ou dans le début d'année, il a fait des choses. Puis c'est un Suisse-Américain qui est né en 1955. C'est ça, il est 55. Il explore vraiment les connexions entre les sons, la photographie, le vidéo, les films. C'est vraiment un artiste à découvrir. Puis merci pour le Henry Mancini en plein milieu. Henry Mancini, que vous connaissez tout comme autant l'auteur du thème de La Panthère Rose, entre autres, et d'un paquet de... Un compositeur. Je l'ai toujours dit, c'est mon compositeur préféré avec un génie. Compositeur de film. Un génie. Et vous écoutez toujours l'émission Quelques gorgées de brandy. Puis ça, puis vous pouvez aller sur notre page, ça s'appelle Trois gorgées, entre Trois gorgées de brandy. Vous pouvez nous téléphoner au 89,1, on est en onde en direct au 640-1586. Puis Claude, je pense que j'aimerais ça remercier les gens de Cap Estral qui nous ont laissé l'heure de midi à une heure pour faire cette émission-là. Et remercier aussi plein de gens qui ont coopéré à cette émission depuis 1999. Entre autres, Jean-Philippe Boisbriand, qui nous a donné beaucoup de musique. Hein. Il a même participé à la première émission. Tu te rappelles? Un fournisseur de bonne musique de premier ordre. Et c'est ça. On a eu Steve Normandin, on a eu... François. Daniel Pelletier. Cette année, on a Gaétan Gossin. C'est lui qui m'a parlé des émissions Ça s'écarait. C'est lui qui m'a parlé de Christian Markley que je connaissais pas. Alors, merci à tous ces gens-là qui ont participé un peu à cette émission-là. Et Sophie Pomerleau qui nous a fait beaucoup d'émissions aussi avec nous, entre autres. Donc, on va s'en aller ailleurs, je crois. On va s'en aller dans la musique un petit peu plus travaillée, un peu plus compliquée aussi. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est la musique un peu folle, si on veut. Vous entendrez, entre autres, tantôt, l'orchestre d'homme orchestre, prêtez oreille, des artistes de Québec, absolument brillants, de leur premier album. Et Mel Torme, jazz américain des années 50, ça c'est plus classique, si on veut. Mais on va commencer ce bloc-là par Moondog, le viking de la 6e avenue, dont je vous reparlerai tantôt. À New York. Moondog avec Bells Are Ringing, ça c'est un gars qui s'habille avec un casque puis des cornes puis du vieux linge. Il traîne dans la rue puis chante avec sa fille en 1971. Bells Are Ringing. J'attends la fin de semaine pour t'amener dans le nord. On fait du ski, on se promène. L'auto-neige, c'est tout un sport. Partout sur les patinoires, les enfants n'ont peur de rien. Toi, tu trembles dans la glissoire, et ça m'amuse bien. Moi, j'aime l'hiver qui nous mêle des lampettes, neige blanche, sapin tout verte, et glaçons scintillants. Moi, j'aime les airs que l'on chante tant de fêtes. J'aime Noël et ses présents qui font la joie des enfants. Le traîneau qui nous emporte file en vitesse vers le nord. Il fait très froid, mais qu'importe, la chaleur se dégage de nos cœurs. Partout sur les patinoires, les enfants n'ont peur de rien. Toi, tu trembles dans la glissoire, et ça m'amuse bien. To spend Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late, like the islanders do? Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. Spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. Aloha, hey, aloha, hey, aloha. Good King Wenceslas looked out of Stephen, where the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hither, page, and stand by me. If thou knowst it, tell him. Yonder peasant, who is he? Where and what is dwelling? Sire, he lives a good league hence, underneath the mountain, right against the forest fence, by St. Agnes Mountain. Bring me flesh, bring me wine, bring me pine logs hither. Thou and I will see him die when we bear them thither. Page and monarch, forth they went together. Through the rude wind's wild lament and the bitter weather. Steps good, my page, tread thou in them boldly. flee. Thou shalt find the winter's rage freeze thy blood less coldly. In his master's steps he trod, where the snow lay dinted. Heat was in the very sod which the saint hath printed. Therefore, Christian men, be sure, wealth or rank possessing, ye who now will bless the poor, shall yourselves find blessing. Blessing, ba-do-do-do-do-do-dee-dee-dee-doh, blessing. Blessing, ba-do-do-do-do-dee-dee-doh, the blessing. King Wenceslas, good King Wenceslas. Excellent, ça, Claude. Oui. Attends une petite seconde, tout va bien, oui. On entendait Mel Torme, un album Christmas Songs 1992, avec le bon roi Wenceslas, juste avant Red Hatcher et les Dining Sisters. J'aurais pu vous dire que c'est qui les trois sœurs Dining. Mais ils s'appellent vraiment Dining, c'est pas qu'ils chantent dans une salle à dîner, là. Ginger, Jean et Dolores Downing. Christmas Cocktail 1950. Avant ça, l'orchestre de Morchestre de leur premier album, Bill Automobile. Et encore juste avant, Cédric Dain Lavoie. Denise, le nom de famille Dain, D-I-N-D. As-tu déjà vu ça? Je sais pas. C'est sûrement de d'ailleurs. Ben, c'est un Québécois. J'ai aucune idée d'où vient le premier de ces deux noms de famille, Dain Lavoie, si quelqu'un le connaît, musicien québécois, qui travaille jam, je dirais, sur des archives de musique trad qui ramasse un peu partout. Là, on entendait la musique de Azad Benoît, 1958. Mais il jam là-dessus. Un très, très bon disque. Ça s'appelle Archive, l'album. Il s'appelle Cédric Dind, D-I-N-D, Lavoie. Allez chercher ça, allez sur Bandcamp, ramassez ça. Très, très bon album. Et avant ça, c'était Moondog, ce musicien de New York qui arpentait les rues habillé en viking, avec un casque de viking en 71, avec sa chanson de Noël, que j'ai déjà présenté souvent ici sur les ondes, parce que c'est un compositeur absolument génial. Les gens de New York qu'il rencontrait, qu'il croisait, souvent, il y avait des musiciens qu'il croisait. Il écoutait, le regardait jouer, son style de rythme, sa façon de jouer les instruments, les percussions, trouvait brillant, puis disait, moi, je peux te réserver du temps durant la nuit, si tu veux enregistrer. Puis, tranquillement, la musique de Moondog a fait son chemin. Aujourd'hui, c'est une légende. Donc, vous écoutez toujours les quelques gorgées de brandy où on vous mélange de la musique un peu trash avec de la musique un petit peu plus montée, un peu plus sérieuse. On s'en va à peu près dans tous les styles et ça va continuer comme ça. Si vous avez des commentaires, c'est Skadio1586 pour nous rejoindre. On vous revient tantôt. Thank you.

Cette année, impressionnez vos proches avec la carte cadeau de l'Anglicane à Lévis. Que ce soit pour voir Sam Breton, Louise Latraverse, Don Tyler Watson, Alain Lefebvre ou Jérôme 50, la carte cadeau de l'Anglicane a tout pour vous faire plaisir. Tu es là, comportement antisportif quand tu joues à la chaise musicale. Ne cherchez plus et mettez de la culture sous le sapin avec la carte cadeau de l'Anglicane. Détails au espacedcl.ca. Vous voulez vous changer les idées cet hiver? Les inscriptions aux activités de la programmation hiver 2024 du Centre Monseigneur Marcoux sont en cours. Notre programmation offre une variété de plus de 40 activités culturelles, artistiques et sportives pour tous les âges. Pour plus de détails et vous inscrire, visitez notre site Internet centremgrmarcoux.com ou téléphonez au 418-661-7766, poste 221. Faites vite, la session débute le 15 janvier. Alors, mon cher Claude. Oui, vous écoutez ces carrières, quelques gorgées de brandy. On ne peut pas passer sous silence qu'on a quelques problèmes techniques quand même. Ouais. Là, c'est quand même majeur, fait que... Ceci voilà. dit, Ceci quand dit, même. Ceci dit, on va vous faire jouer plein de musique encore quand même. Et oui. puis, on va s'en aller dans quelque chose peut-être un petit peu plus tranquille. Pour ce bloc-là, parce que c'est vraiment un groupe de Québec, c'est un collectif de Québec, la Strada que tu as fait jouer beaucoup toi aussi, je pense. Mm-hmm. Puis on fait un très beau disque de Noël qui s'appelle Colinda. Vous allez entendre la voix de la charmante Gabrielle Leboutillier et la charmante voix de Liette Remond. Et multi-instrumentiste Liette Remond. Et Gabrielle qui joue l'accordéon, mais pas sur cette pièce-là. Alors, c'est une pièce qui est tirée du disque, justement, de Colinda, qui s'appelle, et c'est une pièce qui s'appelle « Satan S. Ben S. Tuna ». Satan était bien étonné. Oui, c'est une pièce médiévale, oui. hein, vraiment, dans cette langue-là, dans cette langue-là aussi. Satanes benes tuna davevis laribado. Satanes benes tuna davevis laribado. Da que o pito rei que sna de no verde acuchado. Aduna dona sal sol besainen mura de pau. Ageu farfan est un light en triste et misérable. Ageu farfan est un light en triste et misérable. Qu'est-ce qu'à ça des un palais et mai loin de l'estable. Aduna dona sau sau besain en mura de pau. Crido comme une enraja contre aquello famio. Crido comme une enraja contre aquello famio. Perso que se veiren ja su nupe du no fio. Aduna dona sa sau besain en mura de pau. A que un negre charlatan trompe lo premier paere. A que un negre charlatan trompe lo premier paere. Mai l'oubra d'une belle enfant a cassa lo sabra ere. Aduna dona sa sau besain en mura de pau. Jugas dung do cha pla chau en flas la calamero. Jugas dung do cha pla chau en flas la calamero. Lo diable de ben gufo a perdu la cervello. Aduna dona sa sau besain en mura de pau. Thank you. chère fidèle, cherchons ce logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui de cette vie va paraître à nos yeux. Dans ce triste équipage, Marie allant chercher partout le voisinage, un endroit pour loger. Ouvrez, voisin, la porte, ayez compassion d'une vierge qui porte votre rédemption. Dans toute la bourgade, on craint trop les dangers. Pour donner la passade à des gens étrangers. Au logis de la lune, vous n'avez qu'à loger. Le chef de la commune pourrait bien se venger. Changer de langage, peuple de TPM. Je viens chez vous pour pager l'âge, ne craignez rien. Mettez-vous aux fenêtres, écoutez ce destin. Votre Dieu, votre maître va sortir de mon sein. C'est quelques stratagèmes qu'on peut faire la nuit. Quelques tours de bohème quand le soleil ne luit. Et sans éclair ni lune, les méchants font leur coup. Votre infortune, passant, retirez-vous. Au ciel, quelle aventure, sans trouver un endroit. Dans ce temps de froidure, vous couchez sous le toit. Créature barbare, ta rigueur te fait tort. Ton cœur déjà s'égare en ne plaignant mon sort. Puisque la nuit s'approche, si méchant lieu, pour conserver la vie au petit enfant Dieu. Le monarque des rois naîtra dans un bercail, sans feu, sans drap, sans linge et sans palais royal. Le ciel, je vous assure, pourrait nous secourir. Je pense pour nos vieux s'arrête de périr. J'entends déjà les anges qui font de ton joyeux retentir les lourds sous la voûte des cieux. Heureuse retraite, plus noble mille fois, plus riche, plus parfaite que le Louvre des rois. Logeant un Dieu fait homme, l'auteur du paradis, que le prophète nomme le grand Messie promis. J'entends le coq qui chante, c'est l'heure de minuit. Au ciel, Dieu me chante, je prends mon sacrifice. Je parle, je me baisse, venez mon bien-aimé. Quand je vous serre les fesses, mon cœur est tout charmé. Père Joseph, votre père, nourrisson plein d'appât. Tu sais de votre mère, venez entre mes bras. Que je vous caresse, victime des pécheurs, mêlant, mêlant sans cesse nos soupirs et nos pleurs. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui d'une sainte vie va paraître à nos yeux. Thank you. les lettres que j'ai reçues, il y en a une qui dit. Ce refrain si touchant. Père Noël, je peux dire peu belle comme les années passées. La promesse que je t'avais faite, je l'ai toujours gardée. Mon papa et ma maman, j'ai toujours écouté. Père Noël, n'oublie-moi pas, laisse-moi pas le cœur brisé. C'était la charmante famille Larrain. Ça, ça commence à être du vieux disque québécois. C'est pas mal vieux, avec la lettre au Père Noël. Ils ont fait beaucoup de chansons de Noël, hein, cette famille-là. Il avait le cœur du Père Noël qu'on aurait pu faire jouer aussi. Mais je constate aussi que c'est un CD et que habituellement quand on écoute cet album-là, ça griche, ça saute et ça éclate. J'ai pas entendu de bruit. Ça m'a un petit peu déstabilisé, là, la famille Larrain. C'est ça. C'est dommage. Des fois, même les gens qui ça a nettoyé beaucoup les vinyles, fait qu'on perd un peu la définition de cette époque-là. Puis si vous avez eu l'impression tantôt que vous entendiez un disque qui avait l'air de toujours répéter la même chose. Non, c'était pas une erreur technique. C'était Christian Marclay, le DJ, qui s'amusait avec ses albums de Noël, avec le groupe People Like Us, de l'album The Sound of Christmas. Puis là-dessus, ils avaient repris seulement le premier son de I'm Dreaming of a White Christmas de Bing Crosby, mais seulement en reprenant le I'm du début puis en le mettant en boucle. C'est complètement dément. On avait l'impression d'avoir pris une drogue quelconque, Denise. Oui. On n'est pas sûr. La drogue, peut-être. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Vous écoutez quelques gorgées de brandy qui pédalent dans le jello un petit peu. Ceci dit... On pédale pas mal. Oui. Ceci dit, on s'était dit qu'on va vous faire jouer des vieilles affaires qu'on a déjà passées. Et ceci, ce qui s'en vient, c'est les grands succès de notre émission. Où, à l'époque, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Puis moi, je travaillais dans les médias. Puis je ramassais tout ce que je pouvais où ça parlait de nourriture. Donc, vous entendrez probablement des voix que vous connaissez. Un animateur célèbre, un animateur de nuit célèbre, un télévangéliste célèbre, je l'ai eu. Un chanteur de charme avec le pinch mou, Evan Johannes, Denise. Ah, c'est... Le pinch mou. Ça, c'est difficile. Très, très important. C'est vraiment très... Même, j'en ai écouté hier soir. Parce que... As-tu commencé tes parties de Noël, Claude, toi? Non. Moi, oui, c'était Noël. La première fête de Noël avec des amis hier. On a mangé une fondue, puis on a écouté du Evan Johannes. Pour vrai? Oui. Vous êtes fait fort. On est très fait fort. On a écouté au moins 4 pièces de Evan. Vous êtes fait vraiment fort. Et sur l'album, hein, tu te rappelles, on le voit habillé comme avec le cœur des disciples de Massenet. Mm. Mais Evan Johannes, c'est le somme, la quintessence du Quétaine. Hein. Et il a le pinchemou, comme je disais tantôt. Et Et comme tous les albums de Noël, il se ressentait le droit de nous adresser la parole à nous et nous dire qu'il fallait qu'on soit heureux. Et ça, c'est un grand classique dans les albums de Noël des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Les gens parlent dans le micro et s'adressent à nous. C'est un homme qui a du coffre. Oui, il manque pas de coffre. C'est beaucoup de monde qui ont du coffre pour les chansons de Noël. Effectivement, puis il va à pleine puissance. Alors, gênez-vous pas, mettez le volume pas mal fort pour le prochain 8 minutes parce que ça décoiffe. Mais juste avant, voici un album qui s'appelle « Les vedettes du studio Brasseur », enregistré en 1960, où on demandait à des enfants d'apprendre à chanter des chansons de Noël. Et la petite fille, Mimi Cousineau, y va de toute sa puissance, hein, Denise? Oui. Voici « Allô, le ciel ». Faire comme autrefois quelqu'un me faisait, une extraordinaire dinde complètement désossée, reconstituée, bourrée de charcuterie, cuite pendant des heures dans un coton à fromage, refroidie judicieusement et dont les tranches en travers nous donnaient une extraordinaire poésie de charcuterie entourée de viande de dinde avec une mayonnaise persillée. Rien qu'à y penser. J'ai tout le menton mouillé. Hello? Bonsoir. Joyeux Noël? Joyeux Noël? Joyeux Noël? Allô? Bonne nuit. Bonsoir. Allô? Oui. As-tu moi? Oh oui. Bon, c'est... là, c'est pour ça que bonne fête à ma petite Denis Blouin, là, que j'aime bien. Et puis, pour ça que bonne fête à ma femme, à Rollin, oui, à Jocelyne, toute l'équipe de votre équipe. Puis, en passant, Rachel, monsieur et madame Jean-Paul Lefebvre, quand, en 86, j'espère qu'il va être mieux qu'en 86. Merci beaucoup. Mon frère, à Saint-Gervais, il est à l'arrivée. Oui. Puis Janine, ça c'est parfait. Il est pas moins des autres. Mais Paul Lefebvre, puis Rachel, l'arrivée de vie, là, en passant, s'il m'écoute, je veux rien savoir des autres. D'accord, salut. Je vous souhaite joyeux Noël. Paul Lefebvre, puis Rachel, je veux rien savoir des autres. D'accord, salut. Je vous souhaite joyeux Noël. Merci. J'avais, moi, une grosse pierre sur le foie qui ne pouvait pas passer et finalement, on m'a opéré, coupé à peu près 10 pouces de long, enlevé la vésicule biliaire. Mais l'opération était longue. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la roche. Et le chirurgien me disait après, on l'a cherché, puis on ne l'a pas trouvé. Où est-ce qu'elle était passée? Mais je vais vous dire, et Dieu m'entend, et je vous dis la vérité, je vous le jure, la veille, j'ai dit à cette pierre, comme Jésus parle à l'arbre, j'ai parlé à la pierre. J'ai dit, Pierre, sors de ma vésicule biliaire, je te l'ordonne. Tout cela au nom de l'amour de Jésus, que Jésus a pour moi. Et le lendemain, je suis rentré pour me faire opérer. Mais plus bizarre de tout cela, 36 heures après l'opération, j'étais sorti parce que j'étais trop bien. Mais il n'y avait plus de pierre. Il n'y avait plus de pierre. Il n'y avait plus de pierre. Elle était partie. J'avais parlé à la pierre comme Jésus a parlé à l'arbre. En cette nuit où l'amour règne, je veux vous souhaiter beaucoup de bonheur et de joie pour ce Noël. À vous qui êtes avec votre famille, vos amis ou qui êtes seul, t'as dit qu'il veut. Ce soir, le ciel vous écoute. Il veut. Et les anges chantent la gloire de cet enfant roi. Je crois bien que je broierai. Je crois bien que je broierai. Je vous offre un petit coin. Un petit coin? Je pense à vous. Wow. À tous, un joyeux Noël. Le soir où il descend. Tu me gorgotons. Ouais. Pour Noël, pour les fêtes, pour les fêtes, pour les fêtes, je vous souhaite le bonheur, le bonheur, le bonheur, la paix, l'amour. CKRL vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous êtes toujours en compagnie de Claude Radamour et Denise Leclerc pour un spécial Routes enchantées pour Noël. On a délecté probablement les gens ou créé quelques mots de cœur, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas vraiment évident. Mais oui, la petite fille qui chantait Naël, le pape, ça le pape ne peut pas expliquer, mais il fallait porter attention à la première seconde. Ça vient du disque La Messe au Stade olympique en 84. Le pape... quand il est venu en visite, c'était Jean-Paul II. La première fois. Jean-Paul, Jean-Paul numéro 2 pour être en odeur de sainteté. Et à un moment donné, il est en train de parler, puis on a, je fouillais sur cet album-là, là, tentant de trouver quelque chose. À un moment donné, je suis arrivé sur ce bout-là, on entend dire « les tourtières ». C'est une hallucination auditive, mais j'avais accroché là-dessus. « Les tourtières ouais. ». Le reste, c'est en polonais. Là. Moi, j'entends ça, Denise. Suis-je gravement malade? Ça reste. Un célèbre moustachu de la radio de Québec, on dit plus son nom quasiment, on l'a dit tantôt en ouverture, mais je suis bien de laisser faire, qui parlait de la dinde de Noël. Pensez-y, un animateur de radio de Québec célèbre qui a une grosse moustache. Il est décédé, quoi? Ça fait quoi? Ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Ans, ouais, effectivement. Oui. D'ailleurs, il avait annoncé sa mort. Il avait enregistré lui-même un témoignage où il disait « Quand vous entendrez ça, je serai probablement mort. » Ça, j'en suis pas revenu. Mais ça va avec tout le reste de sa personnalité. Ouais, jusqu'à la fin, il aurait fait des choses comme ça. Ensuite, le télé-évangéliste, tiens, je l'ai eu ce coup-là, télé-évangéliste, Pierre Lacroix. Denise, tu te rappelles ça, de lui? Ça, c'est toute une époque. Oui, oui, oui. C'est... L'époque des laveuses. Tu te rappelles? Ouais. Il avait acheté des laveuses à des jeunes pour avoir des sollicitations sexuelles. C'était incroyable. Il avait offert ça pour se laver en échange de se faire laver lui-même. Je comprends. As-tu des farces de mon oncle puis de ma tante? Là? Non, mais c'est quand même. Elle était tentante, je suis désolé. Pierre Lacroix, oui, qui est le fameux miracle de la vésicule biliaire. Racontait ça avec joie et a l'air convaincu. Pierre Lacroix avait une émission à la télévision. Ouais, c'est juste une petite partie de tout ce qu'il pouvait dire, là, parce qu'il était longtemps à la télévision. Effectivement. Hein? Pour ceux qui s'en rappellent. Puis on a fini ça dans la... L'allégresse. Dans l'allégresse, puis on veut pas le dire, là, mais il y a un autre moment d'allégresse qui s'en vient tantôt où il va falloir chanter à tue-tête. Ouais. Alors les gens vont être invités à chanter dans leur salon à tue-tête. Quand on est en allégresse, Claude, d'habitude, on se gratte. Oui, on allègre ouais. grassement. C'est ça. Allégresse. On se gratte quelque part. On se gratte allègrement. Si tu es en train de me dire que c'est ça que tu fais, ouais, hein, t'es ouais, un peu non, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais oui, c'est ça. Là, on avait Evan Johannes, le Pinchou, c'est là qu'on peut se nommer Pinchou. Il y a peut-être des auditeurs qui aiment ça. Peut-être, oui. Alors, je remercie Olivier Niquette qui m'a prêté ce surnom-là, Pinchou. Il appelle un de ses fils Pinchou. Mmh. Et on a fini par Normand Lamour. Extrait Internet. Je sais pas la source. J'ai trouvé ça quelque part où Normand appelle à la radio, elle prépare quelque chose et part dans un instant, ou partait plutôt, il est décédé aussi, Normand Lamour. Ça, c'est ce sympathique personnage, peut-être que vous connaissez, qui se tenait dans un restaurant, le Madrid, sur la 20. C'est ça, je me demandais si ça avait été enregistré. Tu pouvais le rencontrer, oui. Mmh. Il y avait ses fans. C'est le Madrid, c'est comme à l'époque où on pensait que c'était très, très loin Montréal, là, tu sais, puis qu'il fallait s'arrêter au Madrid parce que sinon, on serait jamais arrivé à Montréal. Mais ça, Denise, tu penses que le nom était Madrid? Non, non, c'était juste un nom. C'était pas vers Madrid, là. Non, non, mais moi, je me souviens là, que quand on arrêtait au Madrid, oui, c'est parce qu'on c'était était le gros comme, arrêt. Il fallait aller aux toilettes, aller prendre là, un café. Manger un burger, peut-être. Là, ouais. C'est assez insignifiant. Une patate. Là. C'est encore ouvert, là, mais c'est insignifiant. Oui, c'est encore ouvert. C'est des grandes chaînes. C'est encore ouvert, mais oui, oui, écoute, c'est connu, Madrid. Ça donne rien qu'on présente ça. C'est d'un tout le monde connaît ça. C'est d'un ennui total. Oui, mais il y a des anecdotes sur cet endroit-là. Il y en a pas mal. Il y a certains premiers ministres du Québec qui s'arrêtaient très souvent à cet endroit-là. Robert Bourassan, René Lévesque. Enfin, nous y reviendrons, mais j'espère que ça vous a plu, les cochonneries, la tourtière, la dinde et tous ces trucs religieux-là. On va y revenir tantôt. Ouais. Denise, où c'est qu'on s'en va? Là, on s'en va vers... ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça joue pas. C'est des collectifs de Québec qui ont fait... que ça s'appelle La clé de Noël sismique. Ils ont fait 5 disques à l'époque. Là, vous allez entendre une pièce du premier disque qui est paru en 2001. Oui. Moi, j'ai les 4 disques, mais le 5e disque est juste Sophie qui l'a. Plus rare. Plus rare. Oui. Et alors, vous allez entendre la merveilleuse voix de Julie Lebel avec une pièce qui s'appelle « Joyeux Noël ». Et puis, ensuite, tiré du troisième disque de « La clé du Noël sismique », vous allez entendre le pianiste Bruno Fecteau, décédé maintenant, qui va nous faire la pièce qui s'appelle « Il est né, États-Unis, palestinienne ». Palestine. Palestine, oui, parce que c'est le temps d'en parler, hein, de la Palestine. C'est tout à fait dans l'air du temps. Fait qu'on s'en va avec ça pour ces deux belles pièces. On s'en va. Puis, mais le party de famille chez Gilles, on va tout arriver un après l'autre, puis là, on va tout faire « Allô, allô! » Puis on va manger comme des porcs. Parce que Gilles, c'est un boucher. Ah, chez Gilles, il y a des crêpes, il y a de la dinde, il y a des saucisses, il y a du croton, il y a des atokas, il y a des... Allez, à Noël, chez un boucher, là. C'est vraiment le best. La veille de Noël, on mange tout le temps des petits sandwichs en triangle. Ça, c'est bon. Des petits pains fourrés au poulet, avec des crudités pis de la trempette. Ça, c'est bon. Du sucre à la crème de ma tante Odile, il est écœurant. J'espère que les petits sandwichs en triangle seront pas colorés. C'est pas appétissant quand ils sont roses pis vertes. Qui enlève la croûte sur les petits sandwichs en triangle. Ça se mange tellement bien. Tu peux pas t'imaginer le nombre de sandwichs que je mange. J'ai déjà fait le calcul chez mon oncle Gilles. Avec sa saucisse. Attends un peu. 12 triangles, ça fait 3 sandwichs. Mais là, cette année, je veux pas des cadeaux utiles. C'est plate, des cadeaux utiles. Qu'est-ce que je veux pour Noël? Je veux une chaîne stéréo avec un rum and coke. Puis de la grosse bière. Je veux pas de brosse à dents électrique. Je veux pas de lampe. Je veux pas de tapis. Je veux pas de meubles. Je veux pas d'ustensiles. Hey, je vous l'ai dit. Joyeux Noël! Une croisière, une auto. Où est-ce que je vais parquer mon char? Non, je veux pas d'auto. Non, j'habite en ville, il n'y a pas de parking, je veux pas d'auto pour Noël. Je veux... Est-ce que je vais me faire un sapin? Non, c'est même trop petit, Chine. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour Noël à part de ça? Des vêtements, toujours besoin de vêtements. Des bijoux, du parfum, mais pas des affaires utiles, je veux pas du sentir. Si vous voyagez un peu du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 7e rang. Vous pourrez pas les demander, prenez le chemin pour pavé. Un party d'amis, peut-être un party chez Charles. C'est l'histoire de trois rois mages qui suivaient l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem, sont arrivés dans une crèche. Là, ils ont donné des cadeaux. C'est pour ça qu'à Noël, on donne des cadeaux. Les rois mages ont donné des cadeaux au petit Jésus. Hey, je vous l'ai dit, joyeux Noël! Je vous l'étudie. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Hey, je vous l'étudie! Joyeux Noël. Il est né, le divin enfant. Si, par contre, il était né aux États. Des Big Mac comme hostie, puis du Coke comme vin de messe.

C'était Georges Brassens avec Tempête dans un bénitier. C'était en 1976. Ça allait un peu avec les autres, le petit peu de pièces avant avec États-Unis-Palestine de Bruno Fecteau. On parlait un petit peu de religion puis de bouffe. C'est un petit peu ça, Noël. Donc, vous êtes toujours à l'émission Quelques gorgées de brandy, dernière heure. Et, tantôt, justement, faire un lien avec ce que tu viens de présenter, on parlait de... ça parlait un peu de religion, on a fait référence à ça, puis tout ça, puis j'ai quelque chose de prêt pour toi. C'est... est-ce que c'est ça que tu as préparé, Denise, en passant? Les madames dans le jubé? Oui, oui. C'est... je me rappelle plus. Numéro 6. 6. Numéro 6. Ça serait les madames dans le jubé. Donc, c'est ça. Pour ceux qui s'en rappellent, une église, comment c'est fait, il y a une partie supérieure. Normalement, est situé l'orgue. L'orgue à tuyaux, Denise, est-ce que je me trompe? Oui. L'orgue à tuyaux. Il n'y en a pas dans chaque église, mais... Il y en, c'est vrai. Mais là où il est, des fois, ou sinon, c'est le jubé, la partie supérieure. Ouais. Puis souvent, quelques notables se ramassent à là où avaient des entrées, vous pouvez y aller. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être encore inspiré de Rock et Belles Oreilles. Mais ce qu'on va vous faire jouer, là, moi, ça me fait penser à une madame dans le jubé qui chante un petit peu trop fort et mal. Mais toi, t'avais-tu le droit d'aller dans le jubé? Moi, là, je suis allé dans une école où j'avais le droit de me promener dans l'église, dans les chapelles. On pouvait faire ça. Ça n'a pas fait de moi quelqu'un de religieux, là, mais on faisait pas mal ce qu'on voulait. Oui. Ah, tu veux dire à l'église de la monter, paroisse? Parce que moi, par chez nous, à Donnacona, il y avait comme deux escaliers c'est ça, qu'on exact. Pouvait monter toujours, en haut. Toujours. Des fois, il y avait la chorale qui chantait en haut. Oui. Mais est-ce qu'on t'empêchait? Non, on t'empêchait. C'était pas toujours permis. Oui, puis moi, je ne pouvais pas sortir sur le pavé de l'église parce que mon grand-père restait juste en face de l'église. Alors, si j'allais jaser sur le perron de l'église, ça veut dire que je n'avais pas participé à la messe. Oui. Donc, je n'avais pas le droit. Fait qu'il fallait que je me cache quelque part. Oui. Là. Mais il fallait faire comme moi, je faisais. Oui. Ou certaines personnes que je connais se présentaient là et tranquillement se faufilaient. S'organisait pour plus être là, puis ça les ennuyait. Toujours est-il. Moi, je suis resté plus long. Petite ville, moi. Oui. J'étais d'une petite ville. Ah, c'est ça. Ça placotait. Moi, je viens d'une petite banlieue, mais peut-être ça placotait moins. Mais moi, je suis resté plus longtemps, Denise, parce que j'étais moqueur. Hein, j'étais un petit tannant. Ah, aujourd'hui, oui? Je suis non, sage. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis, j'avais visé quelqu'un dans les paroissiens qui avait un tic nerveux, sortait sa langue à tout bout de champ. Fait que sans raison. Que moi, je me plaçais en angle, je le regardais pendant toute la messe. C'était fascinant. C'est extraordinaire. Sortait sa langue. Moi, sais-tu qu'est-ce que je regardais dans la messe? Je pense que je t'ai jamais raconté ça, même si on est des grands amis depuis 30 ans et plus. Moi, là, j'avais une mère qui était couturière, puis elle, là, quand on était à l'église, elle regardait si les carreaux à donner, les gens qui... Tu sais, c'était la mode, là, des années 70-80. Si les carreaux à donner dans le linge du monde. Elle était concentrée. Elle savait là, que si les carreaux ne donnaient pas, c'était un manteau commercial. Ah, mon Dieu. Ah, oui. Mais là, ça, non, c'est une déformation professionnelle. C'est normal. C'est drôle, pareil, comme c'est souvenir. Normal. C'est oui, mais, mais je comprends. Hey, c'est un détail. C'est normal que tu te rappelles de ça. Ouais. C'est ta mère encore plus. C'est ça. C'est normal. Donc, toujours est-il que ça va être comme une petite photo de famille. J'ai appelé ça comme ça, photo de famille, parce que ça fait ancien, probablement. Et sous-titre, les matantes dans le jubé. J'espère qu'on a bien sélectionné, sans ça, on s'en prendra. Donc, les sœurs Ita et Emma Rosio chantent le minuit chrétien, mais nous, on a une vision, une image de ça, le minuit chrétien. Attendez de vérifier. Avant de vous mettre à genoux. Oui, non, mais le vibrato risque de vous... casser les genoux. C'est le moins que je puisse dire. Vous écoutez quelques gorgées de brandy. Le fire. petit chien, madame, petit chien perdu. Petit chien, madame, petit chien perdu. Dis-toi donc, petit menteur, mon petit chien ne sort plus. Dis-toi donc, petit menteur, mon petit chien ne sort plus. La musique arrêtée, la danse est terminée, faut alors se quitter. La musique arrêtée, la danse est terminée, faut alors se quitter. Petit chien, madame, petit chien est venu. Petit chien, madame, petit chien, madame, petit chien est venu. Dis-toi donc, petit menteur, il n'est même pas perdu. Dis-toi donc, petit menteur, il n'est même pas perdu. It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's the time for play, it's a whipped cream day, I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen trees. And the sun is red like a pumpkin hand, it's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball, just for a song. Get out and roll it along. It's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter it's a marshmallow, in winter it's a marshmallow, in winter it's a marshmallow world. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter it's a marshmallow. In winter it's a marshmallow. In winter it's a marshmallow. Go up the stairs. CKRL vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous écoutez toujours quelques gorgées. Oui. Une ou deux. Un doigt de dé à coudre de gorgées de brandy. On ne veut pas faire de morale à personne. En passant, ce que je t'ai déjà dit, Denise, que mon paternel, mon auguste paternel, décédé aujourd'hui, quand il voulait dire, quand il voulait juste un petit peu, pour se garder une petite gêne, lorsqu'on est à table, il disait, « Sers-moi-en un dé à coudre. » Non, on trouvait ça complète. On le savait très bien que c'était du gros théâtre. Là, il allait en reprendre trois fois. Dé à coudre. Voilà, c'est pas gros, c'est un dé à coudre. Un dé à coudre de brandy. Et on met de la musique de Noël, bien sûr, pour ceux qui nous rejoindront à nous. Depuis midi, on s'en va vraiment, on tire dans tous les sens. On tire vraiment dans tous les sens. On tire même dans le sens qu'on pensait pas tirer. Exactement. Souk à la corde. Écoute, on est puis on tombe. on tire la corde, puis on tombe. On n'a pas pris de photo, Claude, mais on saute quasiment dans le studio. Oui, c'est ça. À corde à danser. Puis il nous restait des trucs, là, des affaires naïves. Là. Les années 60, 70. Denise, qu'est-ce qui te reste dans ta boîte à musique? Tu connais mon goût pour les années 60, pour le yé-yé, le beatnik, le go-go. Hein, j'aime ça. J'adore hein. Ça. Mais allez pas croire là, que Denise est une personne accrochée des années 60. Elle a déjà eu des couleurs dans les cheveux. Elle s'est déjà maquillée, élevée, et elle allait à l'ombre jaune. J'ai déjà eu les cheveux crêpés aussi. Exactement. Faut pas penser ça. Non, faut pas penser ça. Qu'est-ce qu'on disait, Denise? Alors là, on s'en va plus, 1964 avec Lon Chaney Jr. C'est le fils, puisque le père, il y a eu un Lon Chaney père, qui a joué d'à peu près tous les films de Frankenstein. C'est ça, hein? Fantôme de l'Opéra, oui. Notre-Dame de Paris, toutes les premières versions dans les années 20, 30, et films muets. Et puis lui, Lon Chaney Jr., il a joué après, c'est comme la deuxième génération de Frankenstein. Il a joué le loup-garou en 1941. Frankenstein rencontre le loup-garou. Il y avait toute une série de films. Moi, c'est ce genre de film qui me fait rire beaucoup. Absolument. Hein. C'est supposé de nous faire peur. Non, mais ça marche pas. Effectivement. C'est souvent des perruques. Puis des mauvais décors, mauvais costumes, mauvais tout. Des décors en papier mâché, souvent. Exactement. Ouais. Fait que ça va être ça. Ça va être pas mal la première pièce. Après ça, on va aller avec Bay Ireland, avec All I Want for Christmas. C'est la seule chanson d'elle qui a été connue. Mais après ça, c'était fini sa carrière. Et qui est-elle? Cette femme-là. Ça s'appelle Bay Ireland. Fait que c'est une pièce go-go beatnik. Et puis, on a la même affaire avec Patsy Ray, petite carrière brève, qui va nous faire Beatnik's Wish. Et on va terminer ça, espérons-le, avec Esquivel. Ouais. Une très belle pièce qui s'appelle I Feel Merrily, Marvelous, avec... au départ, c'était une chanson de Gwen Verdon. Est-ce que tu connais Gwen Verdon? Du tout. C'est sûr que tu la connais de vue. Elle faisait des films. Tu sais, il y a tellement eu de... Je suis en train de taper. Je suis en train de taper. On Google. Oui. Denise, où en étions-nous? Où en est... Elle a fait des comédies musicales. Oh. Tu sais, il y avait beaucoup de films chantants des années 50. Hein, il y avait des femmes aussi, tu sais, dans la piscine. Comment qu'elle s'appelait? Esther Williams. Tu sais, il y a eu beaucoup de films avec la musique, de la natation. Avec des chorégraphies dans la piscine. Puis elle, elle faisait beaucoup de comédies musicales, mais c'est une très, très grande danseuse. Elle chantait aussi. Et puis, la pièce qu'on va entendre, pour finir, c'est une version de Esquivel, mais qu'il l'a faite la même année que ce succès-là, qui est sorti pour la comédie musicale à Broadway, qui s'appelait Redhead. Puis l'action se passe en 1880. Donc, une rouquine en 1880. C'est ça que ça raconte. Moi, je suis encore là. C'est ça que ça raconte. Je tape pendant que tu me parles. J'essaie d'être là. Bon, on va partir sur ça. Bon. Long Chaney. Long Chaney. Et puis on n'a pas bu, hein? Non. Moi, je bois plus, fait que... On y va. On y va. was the night before Christmas, and all through the castle, my monsters were having a Yuletide hassle. The tree was all trimmed in foolish things like wolfman fangs and vampire wings. It was a monster's holiday, but they were up to no good. It was a monster's holiday, didn't act like good monsters should. It was a monster's holiday, they found themselves a new prey. It was a monster's holiday, they planned to rob Santa's sleigh. They were making a list and checking it twice. Frankenstein wanted a shiny new trike, a new chain for Yanish, a brace for Igor's back, a shaver for the Wolfman, a new cape for Drac. It was a monster's holiday, but they were up to no good. It was a monster's holiday, didn't act like good monsters should. It was a monster's holiday, they found themselves a new prey. It was a monster's holiday, they planned to rob Santa's sleigh. The mummy was to signal from the castle roof at the very first sound of a reindeer's hoof. As Santa slid down the chimney wall, the zombies were to make off with sleigh all. From beyond the moat there rose such a clatter, I jumped to the window to see what was the matter. Like a bolt of lightning, it happened so quick, there in our midst stood old Saint Nick. It was a monster's holiday, but they were up to no good. Good monsters should. It was a monster's they holiday, found themselves a new prey. It was a monster's they planned holiday, to rob Santa's sleigh. But he began to dig down deep in his sack and came up with the traction for Igor's back. Drac got his cape, Frankie promised to behave, and the wolf man was happy, now he can shave. It was a monster's holiday, and all ended well. Cheer and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now, wait a minute. is the night before Christmas, and here in my pad, I'm cooling it, Dad. Not even a rotor moves. My nylons are swinging by the chimney with much care. But what I'm wigging for can't fit there. All the neighbor cats are knocking some Z's with visions, man, like, wow, presents flying through their heads. And I sit here dreaming in my overstuffed chair of my letter to Santa, baby. Hope it got there. For I wrote him a letter a few moons ago and posted northward through the crazy, crazy snow. I wasn't greedy as so many chicks are. No request for a TV star. I didn't ask for a trip to the left bank, man. Not even a mink to my poor little me. My wish was more simple by far, than even a wish for a pink jaguar. Go, yeah, yeah, yeah, go, man. I didn't write Santa that I wanted to ring. Diamond bracelet, not even things that swing like Kenton or Basie or the freshman four. I didn't want a ringside at the hungry eye. Or do I wish to be like a bird and fly real, real high? I don't want diamond watches or rings, no such things. I don't even dig all the high fives that swing and swing. Yeah, that's how I like it. Yeah, yeah, yeah. I wrote old Santa for just one thing. I fervently hope the old cat will bring. So hours before Christmas, alone in my pad, I'm dreaming of morning and going real, real n'est-ce pas? C'était magnifique. C'était magnifique. Alors, donc, on l'a dit tantôt, c'était Esquivel, Lon Chaney, Patsy Riley Beatnik et Bay Ireland dans ce bloc années 60, évanescent. Extraordinaire. Et flottant. Et on s'en va déjà presque vers la fin de cette émission. Oui, toi, c'est... t'avais-tu une petite tendance beatnik, Claude? Non. Non. Non, je trouve... Je suis pas assez rock'n'roll. Ouais. J'ai jamais porté de pantalon de cuir. Je sais pas ce que ça tu rapport. Peut-être. Non, pas de pantalon. Les pantalons de cuir, c'est les années 90. Ouais, c'est ça. Là, c'est en train de comme revenir, le faux cuir, là. Non, mais c'est pas vrai. Dans les années 50, les gens qui portaient du cuir, cuir, peut-être pas des pantalons, mais le cuir. La veste de cuir. C'était puis c'était des pas fins. Ils ont tout imité Marlon Brando, là. Exactement. C'est référence culturelle, Denise. Ouais. Penses-tu que ça a dit quelque chose à un plus jeune, ça, Marlon Brando, habillé en cuir? Oui. On sait pas. Parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'écoute pas de la vieille musique, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'écoute pas de la nouvelle musique. C'est surtout les vieux films dans le cas de Marlon Brando, par contre. C'est une vieille référence. Bon, oui, c'est ça. Réalisation, on va faire des crédits. Oui. Réalisation, recherche, animation, mise en onde, sacrage, Denis Seclair. Oui. Même affaire, Claude Branamo. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être là, vraiment. Et peut-être que c'est notre dernière. Hein? On avait dit ça en 2019. Nous ne le savons point. Fait qu'on ne le sait pas. Sinon, on fera des soirées thématiques de musique de Noël pour nos proches. Qui sait? Peut-être une fois, on fera un Noël du campeur en plein été. Exactement. Fait que là, on va finir avec ton dernier bloc. Faut dire bonjour. Ça nous a fait plaisir. Les crédits sont faits. Le dernier bloc avant qu'on vous quitte s'appelle Neige blanche pour papa. Avec Stella, avec 3L. La voix Turgeon et Pagé de l'album À vos souhaits. Très bizarre, vous allez voir. Les instruments violoncelles se jouent à l'envers. Très bizarre. Stella, c'est leur célèbre album Les Belges fuient au prochain lavabo. Je suis amoureuse du Père Noël, mais juste avant, on n'a pas le choix. La chanson de Noël que tout le monde connaît, qui émet de bonne humeur, dont il existe 82 000 versions, Feliz Navidad, jouée par Asleep at the Wheel, un orchestre de country de Austin, ça va être bien correct. Fait qu'on dit, on vous dit au revoir, puis restez sur les ondes 89,1 dans quelques instants. Gilles Chaumel avec son folk d'Amérique. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero you. Feliz Navidad. Qu'il soit plus vieux que moi, j'aime me reposer dans ses bras, lui caresser sa barbe blanche pendant qu'il chante des louanges. Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles. Il entre dans ma cheminée. Son petit sac plein à craquer remue son petit bonnet rouge. Je crois bien que j'ai fait une touche. Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles, de belles, de belles, de belles, de belles. Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles, de belles, de belles, de belles, de belles. Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles, belles, belles comme un jour. Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles. Oh yeah! Je suis amoureuse du Père Noël. En parlant de Père, il en a de belles. Je suis amoureuse du Père Noël. Yeah! Yeah! Woo! Amoureuse du Père Noël. CKRL vous souhaite de joyeuses fêtes.